Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NC SA 3.0 FR. Ici et maintenant. Poème en prose du Chevalier à la Rose. Je suis à ma place. Je n'ai pas à être ailleurs, je n'ai pas à me trouver en des circonstances différentes. Je fais ce que je dois sur le chemin qui est le mien. Je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais pourquoi je suis ici, dans cette vie. Je suis là pour toi, pour te soutenir, te protéger, agir pour ton bonheur. C'est cela le sens de mon existence. Ton bonheur est mon credo, ton sourire est mon soleil, ton âme est le phare de ma traversée.